Chapitre 135e, le veto. Comme la tapisserie venait de retomber, la porte se rouvrait. « Sire, dit Dumouriez, sur la proposition de M. Vergniaud, le décret contre les prêtres vient de passer. »« Oh, dit le roi en se levant, c'est une conspiration. Et comment ce décret est-il conçu ? Le voici, sire. M. Duranton vous l'apportait. »« J'ai pensé que votre majesté me ferait l'honneur de m'en dire particulièrement son avis avant d'en parler en conseil. » « Vous avez eu raison, donnez-moi ce papier. » Et d'une voix tremblante d'agitation, le roi lut le décret dont nous avons donné le texte. Après avoir lu, il froissa le papier entre ses mains et le jeta loin de lui. « Je ne sanctionnerai jamais un pareil décret, » dit-il. « Excusez-moi, sire, » dit Dumouriez, « d'être cette fois encore d'un avis opposé à celui de votre majesté. »« Monsieur, » dit le roi, « je puis hésiter en matière politique. En matière religieuse, jamais. » En matière politique, je juge avec mon esprit et l'esprit peut faillir. En matière religieuse, je juge avec ma conscience et la conscience est infaillible. Sire, reprit Dumouriez, il y a un an, vous avez sanctionné le décret du serment des prêtres. Eh, monsieur, s'écria le roi, j'ai eu la main forcée. Sire, c'était à celui-là qu'il fallait mettre votre veto. Le second décret n'est que la conséquence du premier. Le premier décret a produit tous les maux de la France. Celui-ci est le remède à ces maux. Il est dur, mais non cruel. Le premier était une loi religieuse. Il attaquait la liberté de penser en matière de culte. Celui-ci est une loi politique qui ne concerne que la sûreté et la tranquillité du royaume. C'est la sûreté des prêtres non assermentés contre la persécution. Loin de les sauver par votre veto, vous leur ôtez le secours d'une loi. Vous les exposez à être massacrés et poussez les Français à devenir leurs bourreaux. Ainsi, mon ami, sire, excusez la franchise d'un soldat. Mon avis est qu'ayant, j'ose le dire, fait la faute de sanctionner le décret du serment des prêtres, votre veto, appliqué à ce second décret, qui peut arrêter le déluge de sang près de couler, votre veto, sire, chargera la conscience de votre majesté de tous les crimes auxquels le peuple se portera. Mais à quel crime voulez-vous donc qu'il se porte, monsieur ? À quel crime plus grand que ceux qu'il a déjà accomplis ? Dit une voix qui venait du fond de l'appartement. Dumouriez tressaillit à cette voix vibrante. Il avait reconnu le timbre métallique et l'accent de la reine. « Ah, madame, dit-il, j'eusse mieux aimé tout terminer avec le roi. »« Monsieur, dit la reine avec un sourire amer pour Dumouriez et un regard presque méprisant pour le roi, je n'ai qu'une question à vous faire. »« Laquelle, madame ? Croyez-vous que le roi doive supporter plus longtemps les menaces de Roland, les insolences de Clavière et les fourberies de Servan ? Non, madame, dit Dumouriez, j'en suis indigné comme vous. » J'admire la patience du roi, et si nous abordons ce point, j'oserais supplier le roi de changer entièrement son ministère. « Entièrement ? » fit le roi. « Oui. Que votre majesté nous renvoie tous les six, et qu'elle choisisse, si elle en peut trouver, des hommes qui ne soient d'aucun parti. »« Non, non, dit le roi, non, je veux que vous restiez, vous et le bon Lacoste, et Duranton aussi. Mais rendez-moi le service de me débarrasser de ces trois factieux insolents, car je vous le jure, monsieur, ma patience est à bout. » « La chose est dangereuse, sire. »« Et vous reculez devant le danger ?» dit la reine. « Non, madame, » reprit Dumouriez. « Seulement, je ferai mes conditions. »« Vos conditions ?» fit hautement la reine. Dumouriez s'inclina. « Dites, monsieur, » répondit le roi. « Sire, » reprit Dumouriez, « je suis en butte au cou des trois factions qui divisent Paris. Girondins, Feuillants, Jacobins tirent sur moi à qui mieux. Je suis entièrement dépopularisé, et comme ce n'est que par l'opinion publique, que l'on peut retenir quelques fils du gouvernement, je ne puis réellement vous être utile qu'à une condition. Laquelle ? C'est qu'on dise bien haut, sire, que je ne suis resté, moi et mes deux collègues, que pour sanctionner les deux décrets qui viennent d'être rendus. Cela ne se peut pas ! S'écria le roi. Impossible ! Impossible ! Répéta la reine. Vous refusez ? Mon plus cruel ennemi, monsieur, dit le roi, ne m'imposerait pas des conditions plus dures que celles que vous me faites ? Sire, dit Dumouriez, sur ma foi de gentilhomme, sur mon honneur de soldat, je les crois nécessaires à votre sûreté. Puis, se tournant vers la reine, « Madame, lui dit-il, si ce n'est pour vous-même, si l'intrépide fille de Marie-Thérèse non seulement méprise le danger, mais encore, à l'exemple de sa mère, est prête à marcher au-devant de lui, madame, songez que vous n'êtes pas seule, songez au roi, songez à vos enfants. Au lieu de les pousser à l'abîme, joignez-vous à moi pour retenir sa majesté sur le bord du précipice où penche le trône. Si j'ai cru la sanction des deux décrets nécessaires avant que sa majesté m'exprimât son désir d'être débarrassé des trois factieux qui lui pèsent, ajouta-t-il en s'adressant au roi, jugez combien, lorsqu'il s'agit de les renvoyer, je la juge indispensable. Si vous renvoyez les ministres sans sanctionner les décrets, le peuple aura deux motifs de vous en vouloir. Il vous regardera comme un ennemi de la Constitution, et les ministres renvoyés passeront à ses yeux pour des martyrs, et je ne réponds pas que d'ici à quelques jours, les plus graves événements ne mettent à la fois en péril votre couronne et votre vie. Quant à moi, je préviens votre majesté que je ne puis, même pour la servir, aller, je ne dirai pas contre mes principes, mais contre mes convictions. Duranton et Lacoste pensent comme moi. Cependant, je n'ai pas mission de parler pour eux. En ce qui me concerne donc, je vous l'ai dit, sire, et je vous le répète, je ne resterai au conseil que si votre majesté sanctionne les deux décrets. Le roi fit un mouvement d'impatience. Dumouriez s'inclina et s'achemina vers la porte. Le roi échangea un regard rapide avec la reine. « Monsieur, » dit celle-ci, Dumouriez s'arrêta. « Songez donc combien il est dur pour le roi de sanctionner un décret qui amène à Paris 20 000 coquins qui peuvent nous massacrer. »« Madame, » dit Dumouriez, « le danger est grand, je le sais. Voilà pourquoi il faut le regarder en face, mais non l'exagérer. » Le décret dit que le pouvoir exécutif indiquera le lieu du rassemblement de ces 20 000 hommes, qui ne sont pas tous des coquins. Il dit aussi que le ministre de la guerre se chargera de leur donner des officiers et un mode d'organisation. Mais, monsieur, le ministre de la guerre, c'est Servan ? Non, sire. Le ministre de la guerre, du moment où Servan se retire, c'est moi. Ah oui, vous, dit le roi. Vous prendrez donc le ministère de la guerre ? Demanda la reine. Oui, madame, et je tournerai contre vos ennemis, je l'espère, l'épée suspendue au-dessus de votre tête. Le roi et la reine se regardèrent de nouveau comme pour se consulter. « Supposez, continua Dumouriez, que j'indique Soissons comme emplacement du camp, que je nomme là, comme commandant, un lieutenant-général ferme et sage avec deux bons maréchaux de camp. On formera ces hommes par bataillon. À mesure qu'il y en aura 4 ou 5 d'assemblées et d'armées, le ministre profitera des demandes des généraux pour les envoyer à la frontière et alors, vous le voyez bien, « sire, ce décret, fait à mauvaise intention, loin d'être nuisible, deviendra utile. »« Mais, dit le roi, êtes-vous sûr d'obtenir la permission de faire ce rassemblement à Soissons ?»« J'en réponds. »« En ce cas, dit le roi, prenez donc le ministère de la guerre. »« Sire, dit Dumouriez, au ministère des Affaires étrangères, je n'ai qu'une responsabilité légère et indirecte. Il en est tout autrement de celui de la guerre. Vos généraux sont mes ennemis. Vous venez de voir leur faiblesse. » Je répondrai de leur faute. Mais il s'agit de la vie de votre majesté, de la sûreté de la reine, de celle de ses augustes enfants, du maintien de la constitution. J'accepte. Nous voilà donc d'accord sur ce point, sire, de la sanction du décret des 20 000 hommes. Si vous êtes ministre de la guerre, monsieur, je me fie entièrement à vous. Alors venons au décret des prêtres. Celui-là, monsieur, je vous l'ai dit, je ne le sanctionnerai jamais. Sire, vous vous êtes mis vous-même dans la nécessité de sanctionner le second en sanctionnant le premier. J'ai fait une première faute, je me la reproche. Ce n'est pour une raison pour en faire une seconde. Sire, si vous ne sanctionnez pas ce décret, la seconde faute sera bien plus grande que la première. Sire, dit la reine. Le roi se retourna vers Marie-Antoinette. Et vous aussi, madame ? Sire, dit la reine, je dois avouer que sur ce point, et après les explications qu'il nous a données, je suis de l'avis de monsieur Dumouriez. « Eh bien, alors ?» dit le roi. « Alors, sire ?» répéta Dumouriez. « Je consens, mais à la condition que le plus tôt possible, vous me débarrasserez des 3 factieux. »« Croyez, sire, » dit Dumouriez, « que je saisirai la première occasion, et j'en suis sûr, sire, cette occasion ne se fera pas attendre. » Et saluant le roi et la reine, Dumouriez se retira. Tous deux suivirent des yeux le nouveau ministre de la guerre jusqu'à ce que la porte fût refermée. « Vous m'avez fait signe d'accepter, » dit le roi. « Maintenant, qu'avez-vous à me dire ?»« Acceptez d'abord le décret des 20 000 hommes, » dit la reine. « Laissez-lui faire son camp à Soissons. Laissez-lui disperser ses hommes, et ensuite... »« Eh bien, ensuite, vous verrez ce que vous aurez à faire pour le décret des prêtres. »« Mais il me rappellera ma parole, madame. »« Bon, il sera compromis, et vous le tiendrez. »« C'est lui, au contraire, qui me tiendra, madame, et il aura ma parole. »« Bon, » dit la reine, « il y a remède à cela, quand on est élève de monsieur de la Beauguillon. » Et prenant le bras du roi, elle l'entraîna dans la chambre voisine.